J'avais un petit noisetier qui portait seulement une poire d'or et une muscade d'argent. La fille du roi d'Espagne est venue me saluer. Tout pour l'amour de mon petit noisetier. Je sautais haut sur l'eau, je dansais sur la mer, et les oiseaux du ciel ne m'attrapaient guère.